le monde numérique qui est le nôtre, il est assez simple de penser qu'un algorithme, eh bien, ce n'est qu'un programme, que foncièrement, un programme est par essence neutre. Par exemple, lorsque je regarde une bande-annonce cinéma sur YouTube, eh bien, à la fin, YouTube m'en propose une autre, et ainsi de suite. Et les vaches sont finalement assez bien gardées. Malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. Et les conséquences des algorithmes auxquels nous sommes quotidiennement soumis sont tout sauf neutres. Or, nous n'avons aucun contrôle sur ces algorithmes et sur les gens qui les programment. D'où cette question. Est-il temps d'imposer une éthique du numérique ? Éthique numérique des data sous serment, c'est le problème auquel nous allons nous atteler dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour décortiquer ce problème aux embranchements et aux conséquences fort complexes, au moins aussi complexes que celles d'un algorithme, nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Noza Boudjema. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche INRIA, directrice de l'Institut Dataya, institut de convergence français spécialisé en sciences des données, intelligence artificielle et société. Et bonjour Frédéric Bardol. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Data for Good et donc d'Algo Transparency, qui est une plateforme que vous avez développée et dont nous reparlerons tout à l'heure. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour, eh bien, en direct sur les ondes de France Culture, en différé, en podcast via votre application préférée et toujours à quelques moments que vous nous écoutiez en complément via le fil Twitter de l'émission sur lequel nous allons poster un certain nombre de compléments d'informations, d'articles, de graphiques qui vont venir éclairer ce qui va être dit au cours de cette heure et à ce micro. Alors pour commencer, eh bien il y a une voix singulière qui s'est élevée pour réclamer une éthique numérique et dénoncer l'absence de transparence de la plupart des plateformes et des méthodes de programmation. C'est celle de Cathy O'Neill. Elle est américaine, mathématicienne. Je vous propose d'écouter un extrait de sa conférence TEDx qui date de l'an dernier. Les algorithmes sont des opinions intégrées dans du code. C'est très différent de ce que les gens pensent des algorithmes. Ils pensent que les algorithmes sont objectifs, vrais et scientifiques. C'est une astuce marketing. C'en est une autre de vous intimider avec des algorithmes, de vous faire croire et craindre les algorithmes, car vous croyez et craignez les mathématiques. Tout peut mal tourner quand on a une foi aveugle dans le big data. Nous devons réclamer des comptes à nos souverains algorithmiques. L'ère de la confiance absolue dans le big data doit prendre fin. Voilà un extrait de ce TEDx de Cathy O'Neill. L'ère de la confiance absolue dans le big data doit prendre fin. Ça veut dire qu'il y a eu une ère de la confiance absolue dans le big data, Noza Boudjema. En fait, on a, j'ai l'impression qu'on a survendu en fait les big data et l'IA en disant que c'est objectif parce que c'est piloté par les données, c'est objectif parce que c'est algorithmique, parce que il y a de la modélisation, donc c'est forcément objectif. Et c'est une baguette magique pour résoudre tout. Il y a eu des benchmarks de performance montrant que des algorithmes d'apprentissage étaient capables d'être plus performants en reconnaissance visuelle que l'œil humain. Et à partir de là, il y a eu, je dirais, entre guillemets, des envolées lyriques sur les capacités de l'IA et des big data pour tout faire, tout résoudre. Et donc, je crois que c'est justement, il faut démystifier et surtout revenir un peu sur terre, quelque part. En fait, toute technologie a ses capacités, ses promesses et en fait ses réalités, mais a également ses défauts et ses limites. Et ce dont on a beaucoup moins parlé, ce sont les limites. Et je crois qu'il faut être ni technosceptique, ni au contraire survendre l'IA. Il faut avoir le juste équilibre et je crois que les efforts que nous sommes en train de déployer à la fois dans le cadre de l'Institut Dataya mais aussi dans d'autres sphères internationales, européennes et aussi dans le cadre de l'OCDE, c'est avoir la juste mesure. Donc ne pas, faire confiance totale. Là encore, la question n'est pas la technologie très performante, certainement. c'est les gens qui l'utilisent et qui la déploient. C'est toujours les personnes qui sont derrière. Qui sont devant ou derrière, d'ailleurs, dans un sens ou dans l'autre. Alors, on entendait, hein, c'était intéressant cet extrait du TEDx de Cathy O'Neill, parce qu'on entend tout de même quelque chose, moi, qui me surprend un peu. C'est assez récent, ça, de l'année dernière, les travaux de Cathy O'Neill ont 2-3 ans. On est dans un champ qui est, on va le dire, hein, pour tout au long de cette heure, un champ très récent à l'international et encore plus récent peut-être en France. On entend que, finalement, le grand public aurait une sorte de confiance un peu aveugle en disant bon, les algorithmes, l'intelligence artificielle, ce qui m'est proposé, ces outils auxquels on m'a donné accès, finalement, je peux leur faire une sorte de confiance aveugle. J'ai plutôt le sentiment, et je parle à titre tout à fait personnel, que la défiance est arrivée très très vite. Est-ce qu'il y a eu une sorte de phase de confiance aveugle, vous pensez, Frédéric Bardol? Je pense même qu'il y a une espèce de période de foi. Les gens avaient foi dans les algorithmes. Et ils l'ont encore en partie. Quand on a lancé le projet Algo Transparency, l'idée c'était de montrer justement quelles étaient les recommandations faites par YouTube. Et on voulait montrer justement que ces recommandations n'étaient pas neutres, mais étaient orientées vers certaines vidéos, vers certains concepts. On en reparlera un peu plus tard. On en reparlera tout à l'heure, oui. Mais quand on a commencé à parler de nos travaux, à les publier sur des plateformes comme Facebook et Twitter, les utilisateurs de YouTube nous ont répondu, mais en fait, vous vous êtes trompé, l'algorithme est neutre. S'il donne cette valeur-là, c'est parce qu'il a raison, c'est parce qu'il est programmé, il est neutre. Donc en fait, vous inventez une espèce de biais qui n'existe pas. Et ça, on l'a vu, concrètement, on a vu des gens nous dire ça, quoi. Ça veut dire qu'il y a donc effectivement une ère de la confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut, comme le dit Cathy O'Neill, passer à l'inverse, à la défiance? Elle a cette phrase qui est très très forte au début. Elle dit « l'algorithme, c'est une opinion cachée dans du code ». Est-ce que tout algorithme est nécessairement une opinion, Nozabou Djemma? Je confirme. Les algorithmes sont des opinions, mon expression c'est des opinions encapsulées dans du code à travers les données d'apprentissage, à travers les données de paramétrage. Donc en fait, il y a toujours une opinion de celui qui a conçu ou le prescripteur en tout cas pour le développement de ces algorithmes. Maintenant, ce qui est important, moi je dirais que c'est pas tant l'éthique, hein. Je plaiderais davantage pour une IA de confiance. C'est différent, en fait. Mm-hmm. Parce que ça inclut, en fait, l'éthique est une partie de l'IA de confiance, dans la mesure où je préfère parler de l'IA responsable. L'IA responsable, c'est aussi, donc on peut se poser la question, responsable dans quel référentiel et par rapport à quel référentiel. Et en fait, on en a deux. Donc, conforme aux règles juridiques, donc il y a la question responsabilité juridique, mais aussi conforme aux valeurs éthiques. C'est-à-dire que la responsabilité, en fait, inclut deux choses. Et effectivement, c'est important d'intégrer ces deux dimensions dans l'IA responsable. Mais encore, l'IA de confiance, je rajouterais l'IA robuste, qui n'a nullement l'intention ni de nuire, ni d'occasionner je ne sais quel dégâts sur les personnes et les sociétés. Mais des fois, on peut avoir des résultats différents et donc on peut croire à une discrimination qui n'en est pas une, parce que celui qui a conçu l'algorithme n'a nullement l'intention de générer une discrimination, mais tout simplement parce que son algorithme n'est pas reproductible, il est vulnérable, il subit des biais, des données ou des algorithmes. Et en fait, au final, c'est un manque de maîtrise technologique dans le déploiement de ces technos. On est tout de même arrivé aujourd'hui dans une ère de la mise en garde, on va dire. C'est-à-dire qu'au niveau institutionnel, avec le déploiement du RGPD, mais même plus généralement dans le discours public, on entend souvent des gens alerter contre les biais dans les moteurs de recherche, les biais dans les réseaux sociaux, pour parler des biais peut-être les plus apparents. Alors évidemment, sur YouTube également. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est peut-être plus à l'heure de la confiance, pas encore tout à fait à l'heure du doute, mais en tout cas, peut-être dans une sorte d'ère de l'indifférence, finalement. L'utilisateur final de l'interface, il s'en moque un peu. Finalement, les utilisateurs sont contents parce qu'ils ont ce qu'ils veulent. En fait, l'algorithme est vraiment conçu pour ça, pour leur donner ce qu'ils veulent. Le problème, c'est que ce qu'ils veulent, c'est pas forcément ce qui est le mieux pour eux. On a une métaphore un petit peu là-dessus. Imaginons que ce soit un algorithme qui fasse le menu à la cantine de nos enfants, et un algorithme d'apprentissage automatique. Donc il va s'apercevoir que les enfants aiment bien manger sucré et salé, que ça leur permet de finir plus rapidement leur assiette. Au final, si on l'entraîne cet algorithme avec des données de cantine d'enfants, il va finir par donner que les pires aliments qui existent, que les pires, les aliments les plus sucrés, les plus salés, enfin vraiment les pires. Des frites au ketchup. C'est ça, exactement. Tous les jours. Et c'est ça le problème, que souvent on entend des gens nous dire « Oui, mais finalement, ces algorithmes ne font que donner aux gens ce qu'ils veulent. » Mais ils font plus que ça, c'est-à-dire qu'ils vont nous fournir des choses qui ne sont pas les côtés les plus reluisants de l'humanité, tout ça pour qu'on passe du temps. En fait, ce qu'on essaye, ces algorithmes ont tous quelque chose à maximiser. Et ce que les plateformes essaient de maximiser, c'est le temps passé, c'est l'attention qu'on consacre à leur plateforme. Ce n'est pas le bonheur de l'utilisateur, ce n'est pas son bien-être, c'est cette attention. Et pour maximiser cette attention, il faut des contenus addictifs, et c'est ça le danger. Sur ce sujet-là, nos Abou Djemma. Oui, donc là, c'est le cas d'usage, YouTube, effectivement, qui maximise le temps de passage devant l'écran. YouTube, mais c'est aussi vrai pour Facebook, pas tout à fait de la même façon. En fait, pour les modèles d'affaires, pour les business models, qui tendent à maximiser le temps de présence pour vendre plus de publicité. En fait, pour tous les services gratuits, c'est le cas, qui sont basés sur des modèles de publicité. Maintenant, je dirais que ça dépend énormément. C'est-à-dire que dans certains moteurs de recommandation, c'est pas forcément pour vous garder captif. Ça peut aussi vous proposer, vous faire des recommandations pour déstocker. D'accord. C'est pour ça que je disais, ça dépend des cas d'usage. On peut vous recommander effectivement des biens ou des services qui ne sont pas forcément les plus personnalisés en fonction de votre parcours sur une certaine plateforme, mais pour les intérêts, c'est pour ça qu'on revient au point, c'est des opinions encapsulées qui maximisent le profit de ceux qui mettent au service, en fait, en service ces services numériques. Et au final, les services numériques, en fait, maximisent l'intérêt de ceux qui les produisent. Enfin, voilà. Quelque chose, un point de vue que je vais vous soumettre et que j'aime assez bien, parce que je trouve qu'il est assez représentatif, effectivement, pour répondre à cet argument de, finalement, la publicité ciblée, ça m'arrange plutôt, puisqu'on me propose plutôt des choses que j'ai envie d'acheter que d'autres choses qui ne m'intéressent pas. C'est Antoinette Rouvroy qui est venue plusieurs fois à ce micro et qui disait le problème, c'est qu'à force de vous soumettre de la publicité ciblée, des choix ciblés, eh bien ça va transformer une décision d'achat. Je me connecte sur Internet parce qu'à un moment donné, je décide d'aller faire des courses pour acheter quelque chose dont j'ai besoin en une pulsion d'achat. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça détruit la décision et ça rend la décision strictement pulsionnelle. Et là, effectivement, j'ai l'impression que avec cet exemple-là, on touche du doigt un effet qui est nettement un effet pervers, Frédéric Bardol. Alors oui, même pour aller plus loin, un des problèmes sur les algorithmes, en particulier les algorithmes d'apprentissage automatique, parce que c'est ceux dont on parle finalement, il y a beaucoup d'algorithmes, utiliser un algorithme, mais là voilà, on parle surtout des algorithmes d'apprentissage automatique, machine learning. Le problème, c'est que par essence, ils sont conservateurs. C'est-à-dire qu'ils ont été entraînés avec des données qui ont été mesurées sur des gens, sur vous, sur peut-être d'autres gens, mais en fait, ils reflètent finalement seulement le passé, seulement la société telle qu'elle a pu exister, seulement votre comportement passé. Et elle vous dit, vous êtes finalement tout le temps la même personne, tout le temps pareil, et on va vous reproposer tout le temps la même chose. Un exemple concret par rapport à ça, c'est que pour faire de la traduction automatique, Google Traduction et d'autres utilisent par exemple des textes qui sont à la fois en français et en anglais, et ils essaient de les calquer. Ce qui se passe, c'est que à cause de ça, quand on essaie de traduire des termes qui n'ont pas de genre en anglais, par exemple « a nurse » ou « a doctor », donc pour parler d'infirmier, d'infirmière ou docteur et docteur au féminin, on a toujours un docteur, c'est un docteur au masculin, et un nurse, c'est une infirmière au féminin. Et ça, en fait, ça n'a pas de sens linguistique. C'est juste parce que l'algorithme a vu des milliers d'exemples de cette catégorie-là et a dit c'est ça la réalité. Donc, ils sont conservateurs par essence. Ça, c'est le manque de représentativité des données d'apprentissage qui fait partie des biais. Mais j'aimerais bien qu'on fasse la différence entre les biais techniques. Entre les biais techniques et En fait, il y a le côté intention de pas bien faire les choses, mm-hmm. ou de pas forcément faire les choses dans l'intérêt du consommateur du service, mais dans l'intérêt du producteur du service. Et c'est de bonne guerre, en fait. Hein, donc on peut pas reprocher à celui qui produit un service de ne pas servir ses intérêts. Je dirais que ça, c'est... par contre, c'est... à ceux qui consomment les services d'une manière générale, qu'ils soient citoyens, qu'ils soient professionnels, donc là je considère pas seulement le B2C mais le B2B aussi, que ce soit les gouvernements quand ils sont clients de services numériques, eh bien de se prémunir des outils qui leur permettent justement de ne pas être, je dirais, je vais pas utiliser le mot proie facile, mais en tout cas, de savoir, oui à la merci, de savoir de quoi et comment ils vont être calculés. En fait, il y a un principe essentiel qui est remis en cause dans ces choses-là. En fait, c'est quand même le libre arbitre. Ce que j'évoquais quand on passe de la décision d'achat à la pulsion, c'est on renonce d'une certaine façon à une forme de libre arbitre. Il y a le côté pulsion, mais il y a le côté aussi, je dirais peut-être même une consommation dans l'inconscience heureuse entre guillemets, c'est-à-dire on me propose, bah ça me va, j'y vais, enfin je clique, enfin voilà. Et il y a quand même un problème parce que quelquefois, effectivement, on se pose même plus la question en fait. Et c'est ça la difficulté. Outre en fait les bulles filtrantes qu'on a évoquées sans les nommer tout à l'heure, mais c'est aussi quand même le libre arbitre et la liberté humaine pour aussi rebondir sur le fait que ces algorithmes apprennent du passé, c'est-à-dire ça enferme, le prédictif enferme dans un déterministe qui n'a pas lieu d'être, hein, parce que l'humain, c'est quand même sa capacité première, c'est d'être libre et d'être imprévisible. D'accord? Et ça, les algorithmes d'aujourd'hui, c'est pour ça que le développement du cœur d'IA n'est pas fini. L'IA faible aujourd'hui ne sait faire que ça. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et 16h15 sur France Culture, nous parlons d'éthique numérique tout au long de cette heure et de savoir à quel moment il faut justement remettre une notion d'éthique dans la science des données, dans le data scientism, si on doit le dire en anglais. Nous en parlons avec Noza Boudjema et Frédéric Bardol tout au long de cette heure. Alors on a parlé un peu de ces effets pervers, de ces biais des algorithmes, qu'ils soient effectivement techniques ou volontaires ou intentionnels. J'aimerais peut-être qu'on prenne et qu'on parte d'un exemple très très concret que nous avons presque sous les yeux tous de façon régulière. C'est l'exemple de YouTube. Finalement, comme je le disais dans la présentation de cette émission, quoi de plus inoffensif après tout que de laisser le site décider de quelle vidéo vous allez regarder après avoir vu, je ne sais pas, un clip, une bande-annonce vidéo, une conférence, peu importe. Vous savez, il y a une fonction de lecture automatique et donc tout de suite après va arriver une deuxième vidéo que vous n'aurez pas choisie. Tout cela a l'air finalement très innocent, mais évidemment, ça l'est beaucoup moins que ce que l'on imagine. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Donc, si on me propose une vidéo de requin après une vidéo de chaton extrêmement mignon... Je dois en conclure quelque chose de très mauvais au niveau de votre psychologie, peut-être. Ou en tout cas de mes pratiques internet. Plus sérieusement, vous êtes justement allé dans l'association de Frédéric Bardol chez Data for Good pour comprendre comment il travaille sur cette question de l'algorithme de YouTube. Ouais, l'algorithme de YouTube fonctionne par suggestion pour amener à regarder plus de vidéos, passer plus de temps sur la plateforme. Le problème, c'est qu'il n'est pas public, entre autres pour des raisons de secret industriel. Alors c'est un problème car on reproche à YouTube son manque de neutralité, l'incitation à consulter des vidéos au sujet clivant et aussi de nous enfermer dans des bulles filtrantes selon nos consommations, un peu comme sur Facebook. Le projet Algo Transparency tente d'étudier ce fonctionnement opaque et ils ont publié une charte pour inciter les ingénieurs de YouTube à adhérer à plus d'éthique. Pour le cas de YouTube en l'occurrence, l'algorithme est secret et je suis allée voir Soline Le Dessert qui est cofondatrice de Algo Transparency et elle a contribué aussi à la rédaction du serment d'Hippocrate pour les data scientists. La majeure partie des vidéos regardées sur YouTube viennent de recommandations. C'est-à-dire une fois qu'on a tapé une requête, en fait on va suivre les recommandations de la colonne de droite. Parce qu'il faut savoir que les vidéos qui sont suggérées par YouTube sont suggérées par un algorithme et on ne connaît pas cet algorithme parce que ça relève du secret industriel. Et ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a vu les vidéos, le résultat de ces algorithmes, les vidéos qui étaient suggérées. Et on a essayé de poser des questions publiquement sur pourquoi est-ce que certaines étaient plus suggérées que d'autres. Est-ce que vous pourriez présenter un peu le concept du site et voir... Ok, donc il suffit d'aller sur algotransparency.org. Donc là, vous voyez qu'on a créé différentes rubriques. Kids, World Leaders, Science, Mass Shootings, British Elections. Donc par exemple, si on va sur Science, on voit le top 100 vidéos, les vidéos les plus recommandées par YouTube sur la requête « Est-ce que la Terre est plate ou ronde ?». Donc il y a une vidéo qui est recommandée 9,7 fois plus que la moyenne des vidéos recommandées par YouTube sur la question, le 1er août 2018, qui est... A Stranger's Guide to Flat Earth, 21 Questions and Answers, Proving the Earth is Flat. Donc on a visiblement, il faudrait quand même la regarder, mais visiblement une vidéo qui prouverait que la Terre est plate. Comment vous fonctionnez pour pouvoir donner ces chiffres et émettre ces classements? Alors en fait, on a créé un utilisateur, c'est comme si c'était un utilisateur qui venait de créer un compte, qu'on a créé sous forme de robot, c'est un programme, et qui va faire des requêtes sur YouTube et regarder des vidéos. Et il regarde toujours la première vidéo qui sort de la recherche, et ensuite on lançait les 6 premières vidéos qui sont les suggérées sur la colonne de droite. Et en fait, à chaque fois, on jouait chacune de ces 6 vidéos et on récoltait les vidéos suivantes, ainsi de suite. Donc du coup, on se retrouvait avec, on va dire, entre 1000 et 2000 vidéos suggérées sur une requête. Et on regardait dans ces vidéos le nombre de fois où une vidéo était plus recommandée que la moyenne. Et du coup, on se disait, d'accord, donc pour quelqu'un qui arrive sur YouTube et qui fait une recherche, par exemple, sur François Fillon, on va pouvoir voir que l'algorithme de YouTube va rediriger, de vidéo en vidéo, va tendanciellement rediriger la personne qui a fait une requête sur François Fillon vers, par exemple, Mélenchon ou un autre candidat. Donc là, nous, on a eu une démarche assez pragmatique de se dire, OK, quels contenus sont les plus suggérés par ces algorithmes. Une fois que ça s'est prouvé, par exemple, sur notre site, l'idée, c'est d'aller plus loin et de lancer un débat public. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut des entreprises qui servent ceci? Et on essaie de rendre visible le fait qu'il y ait des différences d'attributs comme ça sur les contenus. Et les ingénieurs de YouTube connaissent l'existence de vos activités? Comment ils réagissent? Comment ils se positionnent? Disons que, voilà, il y a un peu ceux qui vont essayer d'améliorer le système, hein, au sein de ce cadre-là. Donc, essayer de faire des algorithmes qui seront plus égalitaires, plus neutres, réinjecter de la diversité dans les contenus afin d'éviter la personnalisation, etc. Donc, nous, il y a un autre projet qui est né de ce projet, qu'on a appelé le serment d'Hippocrate pour data scientist. C'est-à-dire que pendant qu'on a construit Algo Transparency, parmi les solutions auxquelles on pensait, donc, il y avait effectivement la régulation, et on s'est dit, il y a aussi interpeller la conscience, en fait, de tous ces ingénieurs qui travaillent sur du machine learning et des algorithmes. Sur le même modèle que le serment d'Hippocrate des professionnels de la santé, on pourrait créer un serment d'Hippocrate des data scientists. Donc on a fait une petite recherche, il y en avait déjà qui circulaient. Et pour se différencier de ceux qui existaient déjà, on a vraiment créé un serment d'Hippocrate qui aider au quotidien dans leur pratique les data scientists. Vraiment à se dire, on a découpé le travail en grandes étapes, hein, de la participation d'un projet à l'analyse de résultats en passant par la collecte de données et l'application de modèles algorithmiques. On s'est dit à chaque étape, quels sont les dilemmes éthiques auxquels un data scientist peut être confronté et ensuite, comment est-ce qu'il peut résoudre en fait ces problèmes. Donc on a fait un questionnaire en ligne, on a récolté des expériences diverses. Et ensuite, on a travaillé pendant 3 mois en atelier à rédiger collaborativement un serment d'Hippocrate. Donc là, il est disponible sur hippocrate.tech. Donc on a posé 5 valeurs, l'intégrité scientifique et la rigueur, la transparence, l'équité, le respect et la responsabilité et l'indépendance. Et ensuite, on a formulé des phrases sous la forme « je m'engage à faire ceci ou cela ». Donc ça concerne effectivement le respect de la vie privée. Donc à chaque fois, à chaque ligne, on rappelle aussi le cadre légal européen du règlement général pour la protection des données personnelles. Le data scientist signataire s'engage à déterminer le meilleur compromis entre la performance et l'interprétabilité. Pourquoi l'interprétabilité c'est important? Parce que par exemple, si vous faites tourner un algorithme sur par exemple la question de votre allocation familiale, et si l'algorithme vous dit « non, vous n'y avez pas droit », et que la personne qui a fait tourner l'algorithme dit « écoutez, je peux pas vous l'expliquer, mais c'est comme ça », ça peut poser des problèmes. Donc voilà, donc on a fait ce genre de recherche. Quelle est la valeur juridique de cette charte? Comment on pourrait l'appliquer réellement? Nous, on est vraiment dans une démarche plutôt citoyenne. À chaque fois, on l'a formulée de façon à veiller. Enfin, le data scientist veille à ce que les choses se fassent. Mais un data scientist, il peut travailler dans une administration, dans une entreprise, au sein d'un labo de recherche. Et il n'est jamais le seul décisionnaire sur vraiment l'ensemble du projet. Donc, on essaye. Nous, on a pris cette approche-là dans le cadre de ce projet vers la responsabilité personnelle. Après, on a aussi rappelé la loi, donc là c'est vrai que le RGPD a vraiment amené beaucoup plus en tout cas de contraintes sur ces questions, mais voilà, nous on est vraiment parti sur un modèle d'éthique personnelle. Voilà le reportage du jour sur cette plateforme Algo Transparency. Je vais vous demander évidemment, Frédéric Bardol, une réaction, puisque c'est votre association Data for Good qui développe cette plateforme. Donc, déjà, merci. Hein. C'est Soline qui a vraiment porté le projet sur le serment d'Hippocrate et Guillaume Chasselot, lui, qui a plein temps sur ce projet de Algo Transparency et qui essaye d'étudier, notamment avec des scientifiques américains, essayer d'étudier d'autres algorithmes et leur fonctionnement, essayer de mieux comprendre comment ça marche. Moi, je voulais revenir surtout sur une chose, c'est que effectivement, il y a une responsabilité individuelle, donc à travers ce serment qu'on propose, mais on pense également qu'il y a, bah, comme le disait Soline, qu'il y a aussi une responsabilité, finalement aussi, il y a des institutions à créer pour permettre de transformer la manière dont fonctionne le numérique à l'heure actuelle. Un exemple, à l'heure actuelle, il n'y a pas de statut intermédiaire entre un hébergeur et un média. Et le problème, c'est quoi? C'est que, exemple concret, prenons un réseau social. Pour les auditeurs, exemple concret, Facebook. Voilà, Facebook ou YouTube, bah, c'est des hébergeurs. Donc, ils ne sont pas responsables du contenu. Tout le contenu qui est publié chez eux, bah, ce n'est pas sur leur responsabilité. Au contraire, un média, bah, tout ce qu'il produit, si on dit quelque chose aujourd'hui qui ne respecte pas la loi à la radio, et bah, quelqu'un portera la responsabilité. La directrice de la chaîne, moi d'abord, voilà. Et puis ensuite la présidente. Et donc, il y a un grand écart, en fait. Alors, ce statut d'hébergeur, ça marchait très bien au début de l'Internet. Finalement, c'était juste des annuaires où il y avait toutes les vidéos, des contenus produits par les internautes qui étaient là. Finalement, c'est vrai qu'il n'y avait pas de rôle de responsabilité. Mais là, en fait, on assiste à quelque chose, c'est-à-dire qu'un algorithme qui propose 100 000 fois un contenu à un utilisateur, on pourrait se dire, quand même, il a un rôle éditorial. Même si ce n'est pas un humain qui a fait ce choix de poser cela, au bout d'un moment, quand une nouvelle est diffusée de manière massive comme ça, nous, on considère que bah, cette plateforme a un rôle éditorial, enfin, devrait avoir une responsabilité juridique, et parce que l'algorithme a un rôle éditorial dans ce contenu. Une réaction à ce que vient de dire Frédéric Bardol et sur cette plateforme Algo Transparency. On va parler évidemment du serment d'Hippocrate dans un instant, mais d'abord sur le reportage et sur cette notion très très intéressante de distinction entre hébergeurs et médias. Oui, eh bien, je suis d'accord. Dans la mesure où, effectivement, l'évolution des rôles aujourd'hui, la frontière est très mince et surtout que les contenus, en fait, aujourd'hui sont consommés. Il n'y a plus, effectivement, ce rôle éditorial fait par un professionnel, mais aujourd'hui, c'est fait par un algorithme de recommandation de contenu. Et donc, très clairement, la question de la neutralité de la recommandation du contenu se pose. Et au-delà de ces... en fait, moi, je voudrais pointer... toujours sur cette même problématique, un autre contexte qui peut être embêtant, c'est pas du B2C en fait, c'est du B2B, plateforme juste au hasard. Parce que on rappelle, B2C c'est business to consumer, et voilà. B2B c'est business to business. Voilà. Exactement. Donc, de l'entreprise à l'entreprise, et de l'entreprise au consommateur. Voilà. C'est juste un petit bout de traduction franco-anglais, parce qu'on nous reproche souvent, tout à juste à fait, titre, d'être trop anglophone. Donc, voilà. Allons-y. Faire des recommandations de consommation de contenu culturel sur une plateforme qui n'a pas de modèle d'affaires qui soit de la publicité. Je prends pour exemple Netflix. Une fois qu'on paye l'abonnement, on n'a pas de publicité à regarder. Pour le moment. On peut se poser la question, c'est quoi les motivations des algorithmes de recommandation là-dedans? D'accord. Donc là, c'est un autre cas d'usage auquel il faudrait aussi un petit peu s'intéresser. Parce que là, très clairement, la question de la concurrence, en fait, va se poser entre des producteurs de contenu qui ont des accords avec Netflix et ceux qui ne l'ont pas, et aussi avec des producteurs de contenu culturel de l'industrie française, par exemple, qui peut se retrouver lésé. Et là, c'est un problème de concurrence et de position dominante, en fait, et le ministère de la Culture aussi, à ma connaissance, s'intéresse également à ces questions. Frédéric Bardol, c'est intéressant cet exemple de Netflix parce qu'effectivement, par ailleurs, on peut aussi imaginer que, puisque tous ces algorithmes sont biaisés et qu'il y a une intentionnalité derrière dans ces biais, on peut imaginer que l'algorithme de Netflix privilégie les productions internes de Netflix et pas le contenu qui a été racheté à d'autres sociétés de production qui sont hébergées seulement sur la plateforme pour privilégier le contenu interne et dire, ah ben, vous voyez, les produits Netflix fonctionnent mieux que les produits Intel, de Fox, Warner, et peu importe. Et ce n'est pas forcément une personnalisation pour le consommateur, donc, je rappelle. Bien sûr. Et Frédéric Baron. Et comme on n'a aucune transparence sur qu'est-ce qu'on essaie d'optimiser avec cet algorithme, finalement, on ne le saura jamais. C'est un gros problème. Et pour montrer l'ampleur un peu de la chose, il faut savoir que 70% à 80% du contenu sur Netflix provient de recommandations. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait à la marge. C'est que les gens consomment ce qu'on leur recommande, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est phénoménal. Et sur toutes les plateformes, en fait, c'est la même chose. Parce que, par ailleurs, sur Netflix, la plateforme est une gigantesque plateforme de recommandations. C'est-à-dire que la plateforme n'est pas présentée par ordre alphabétique, par exemple, ou par ordre de nouveauté, ou très, très peu. Elle n'est, La valeur ajoutée, elle est là. Voilà. Ce qui est intéressant, alors, on entendait dans le reportage quelque chose sur lequel j'aimerais vous faire réagir. On va parler, évidemment, hein, surtout dans la deuxième partie, de cette notion de serment d'Hippocrate, de qui il s'adresse, de son côté un peu finaliste, hein, c'est-à-dire de dire le serment, il est signé finalement par les data scientists, par les scientifiques de données, et pourquoi est-ce que ce serait les individus qui doivent s'engager et non pas les plateformes? C'est une question qui me semble importante à traiter. Mais avant cela, j'aimerais poser une question autour de cette notion d'interprétabilité, puisqu'on voit bien que, prenons cet exemple de Netflix qui est assez bon, aujourd'hui, Netflix signerait un accord, un serment, peu importe, qui donne accès, qui permette de lire ces algorithmes aujourd'hui pour tout un chacun, pour nous citoyens en bout de chaîne, pour les consommateurs, c'est strictement illisible. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à la compréhension de ce qui va permettre de régir cet algorithme. Et d'ailleurs, si nous n'y avons pas intérêt, évidemment, la plateforme elle-même a encore moins intérêt à donner accès à ces informations-là. Nos Abou Djemma. Oui, alors effectivement, c'est là où il y a un effort international sur faut-il réguler, comment réguler, etc., etc. Au-delà, effectivement, des charges d'engagement individuel, l'idée c'est aussi, alors tout dépend si c'est du, j'allais dire du software, si c'est du logiciel, de la réglementation dure ou un peu plus légère, mais en tout cas amener les producteurs de services à rendre compte, parce qu'en fait, celui qui fait le service, on peut, en fait, et là je mentionne les efforts qui sont faits au niveau de la Commission européenne, mais aussi au niveau de l'OCDE, qui réfléchissent très très sérieusement par rapport à toutes ces questions, parce qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui internationale. Je ne dis pas que les solutions existent, mais la prise de conscience et la nécessité, l'urgence d'agir, elle est là. Du coup, typiquement sur l'intelligibilité, je ne parle pas d'explicabilité, parce que des fois on n'a peut-être pas besoin et peut-être pas les moyens techniques de l'explicabilité, mais par contre la traçabilité du pourquoi on a eu ce résultat, du genre tel produit ou tel contenu est recommandé pour vous, on aimerait bien avoir une sorte de tableau de bord qui va nous dire, voilà, les critères en pourcentage. Vous avez fait tel choix, donc, donc le logiciel infère que vous allez aimer telle chose. Les producteurs des services, en fait, par régulation, on pourrait les amener à apporter, et justement, en apportant ces critères-là, en fait, on respecte le libre arbitre du consommateur, quand même. Parce que là, bon, on clique sur ce qui est proposé, mais est-ce qu'il est vraiment conscient de sur quoi? Enfin, c'est quand même léger aujourd'hui. Donc, il y a cette notion de respect de libre arbitre via une réglementation dans ce sens-là. Je vais prendre un exemple volontairement un chouïa provocateur dans l'état actuel des choses, mais encore une fois, la transparence n'implique pas compréhension. Si on prend une plateforme comme Parcoursup, dont l'algorithme a été rendu public par l'Éducation nationale, ça n'empêche pas personne de ne comprendre à aucun moment les choix et les orientations que cet algorithme fait pour les étudiants qui veulent être inscrits dans les universités dont ils ont fait le choix, dont ils ont fait la demande, pardon. La complexité supérieure qu'il y a en plus sur Parcoursup, c'est qu'il y a une partie du code qui est quand même cachée. Le code qui est utilisé par les universités, celui-là, la cuisine interne, comme ils appellent La sélection en bout de chaîne. Celle-là, il y a toujours une demande, une requête qui a été faite à la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, qui est en cours, mais qui n'a pas abouti à l'heure actuelle, et ce code n'est pas rendu public. Donc il manque quand même un bout de la chaîne. Pour revenir sur cette question d'auditabilité des algorithmes, nous, le fait quand on a essayé d'auditer l'algorithme de YouTube, c'est un peu ce qu'on a fait avec Algo Transparency, on s'est rendu compte de la complexité qu'il y avait. C'est-à-dire que déjà, tous les jours, l'algorithme change. Comme des gens regardent des vidéos, en fait, ça fait changer l'algorithme. Donc finalement, quelle est la vraie version? C'est assez compliqué à dire. Et les corpus. Les corpus, c'est ça. Tout change au fur et à mesure. Ouais. Et puis, c'est d'une telle complexité, si on a des réseaux de neurones, ça va être aussi dur, par exemple, de dire... on a regardé cette vidéo parce qu'il y a une personne qui a regardé ça. Enfin, des critères, il peut y en avoir des millions et des millions. Et donc, on va pas forcément s'y retrouver. Et finalement, c'est un peu comme quand on regarde les émissions de particules fines d'une voiture, je trouve. C'est-à-dire que, finalement, peu importe ce qui se passe dans la cuisine interne du moteur, ce qu'on va regarder à la fin, c'est est-ce qu'il y a des particules qui sont émises et c'est ça qui nous intéresse. Mais ça, c'est pas disponible à l'heure actuelle. On n'a pas des mécanismes qui nous permettent de connecter directement à une plateforme et de savoir, tiens, si on fait telle chose, on aura telle chose de recommandée. Ça, c'est... Et puis, en plus, on se dit, si jamais ça existe, il va y avoir des trucages comme il y a eu sur les voitures, notamment. Quand on a arrêté, hop, tout se passe bien. Et puis, quand on roule en condition réelle, ça marche plus du tout. C'est pas évident comme question. And so I see the universe reveals itself to me. Algorithm de School is School, puisque c'est ce dont il est vaguement question au cours de cette heure, puisque nous parlons d'éthique numérique et d'éthique en science des données et évidemment bien des algorithmes qui sont au centre de ces questions d'éthique, de leur transparence, de leur auditabilité et puis surtout de ce qu'il va se passer dans le futur à partir d'aujourd'hui avec les scientifiques qui sont formés aujourd'hui. Ces scientifiques doivent-ils être tenus, doivent-ils s'engager sur une sorte de charte de bonne conduite pour éviter toutes sortes de dérives que l'on peut constater d'ores et déjà aujourd'hui. Nous en parlons avec Noza Boudjema, qui est directrice de recherche INRIA, directrice de l'Institut Dataïa, Institut de Convergence Française spécialisé en sciences des données, intelligence artificielle et société, et avec Frédéric Bardol, qui est membre de l'association Data for Good, qui a réalisé une plateforme Algo Transparency à propos de l'algorithme de YouTube, à propos de laquelle on a entendu un reportage tout à l'heure. Mais comme tous les mercredis, aux alentours de 7h, à quelques minutes près, il est l'heure d'écouter la voix du futur de la recherche. Et aujourd'hui, le futur de la recherche s'appelle Jérémy Poiroux. Bonjour Jérémy Poiroux. Bonjour à tous. Bonjour, vous êtes avec nous en ligne puisque vous suivez vos études au centre Marc Bloch à Berlin en partenariat avec le CNRS. Vous êtes en première année de thèse en sociologie dans le cadre du projet ANR Algodiv. Je crois que vous êtes en ce moment en Pologne. Le titre de votre thèse, c'est la fabrique des algorithmes de recommandation et de management sous le prisme de leur conception et leur impact au sein des organisations. Voilà, je vais vous laisser quelques minutes pour nous présenter vos travaux, c'est à vous. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation très précise et avec beaucoup de pression sur le futur de la recherche. Donc, c'est une thèse sous la direction de Camille Roth. Donc là, j'étais en effet en Pologne, mais là, je suis de retour à Berlin. Donc, pour continuer cette étude sur la fabrique des algorithmes de recommandation et de management. Alors, c'est vrai que pour prendre un peu le contre-pied de ce qui se fait en ce moment, il y a une littérature qui est assez limitée sur la fabrique. On parle pas mal de transparence, d'ouvrir la boîte noire. On a eu pas mal les débats aussi juste avant la pause musicale. Et quelque chose qui ne se fait pas beaucoup, voilà, c'est comment ils sont fabriqués. Donc mon premier terrain, c'est les algorithmes de recommandation, donc ces petits programmes. Peut-être que je dis des choses qui ont déjà été dites quelques minutes avant, qui vont vous inviter, voire vous inciter à consommer un contenu ou un produit. Donc ça peut être un film sur Netflix, on en reparle, une chambre sur Airbnb ou un article sur un site d'un média. Et vous me direz que en soi, donc recommander une sacoche quand j'achète un appareil photo ou un hôtel quand je vais passer une semaine en Grèce, c'est un peu de bonne guerre. Mais on peut plus se poser des questions quand il va s'agir de recommander du contenu culturel ou d'intérêt général, car il pourrait nous enfermer. Alors là, je dis attention, il y a un point Al Godwin, parce que on parle beaucoup de bulles filtrantes qui pourraient nous empêcher de voir plus loin que le bout de notre zone de confort. Je m'arrête ici sur les impacts, parce que vous allez en parler, vous en avez beaucoup parlé. Et puis, donc en fait, je m'intéresse plutôt, donc comme je le disais, à la fabrique. Donc c'est, en fait, vous êtes déjà demandé, on va reprendre l'exemple de YouTube, pourquoi ils vous recommandaient l'algorithme de YouTube à droite ou sur la page d'accueil, cette vidéo de chaton ou la vidéo de terre plate. Et donc dans mon étude préparatoire que j'ai fait et que je suis en train de terminer, donc qui lance la thèse, j'ai mené des entretiens donc avec plusieurs dizaines d'ingénieurs qui programment des algorithmes de recommandation pour des médias, pour des sites de e-commerce, pour des plateformes de streaming, pour mieux comprendre en fait d'où vient l'algorithme. Donc l'objectif dans ma thèse, c'est de mettre en valeur les intentions, les pourquoi, les comment qui se cachent derrière les algos, les choix business ou encore les biais qui sont directement implémentés de manière consciente ou non en fait dans la machine. Donc si on en revient à l'exemple de YouTube, c'est aller étudier pourquoi il vous recommande cette vidéo de terre plate alors que vous n'aviez rien demandé. Donc c'est un peu dévoiler en quoi rien n'est laissé au hasard dans le monde merveilleux des algorithmes, et puis de dévoiler un peu la face cachée de leurs impacts. Donc je vais aller dans les entreprises, je vais faire de l'immersion, je vais observer la conception et le développement directement des algorithmes, qui fait quoi, d'où vient l'idée de base, quelles sont les contraintes, quelles sont les méthodes utilisées ou encore quelle est la conscience qu'on a dans les entreprises des impacts des algorithmes qui sont conçus. Voilà, donc, mais le bonheur s'arrête pas là et donc là c'est un peu la transition brute pour passer à l'autre pan de mon sujet qui est l'utilisation des algorithmes qui est de plus importante au sein même des entreprises en fait. On voit depuis des années, depuis des dizaines d'années des robots remplacer les humains pour faire. Donc c'est sur les chaînes de production, dans les usines, dans les entrepôts pour préparer les commandes, donc Amazon par exemple. Demain, les algorithmes, ils vont être présents donc encore pour faire, mais aussi pour organiser et manager le travail. Donc ça, c'est une grosse différence. C'est d'ailleurs déjà le cas avec Uber, où les chauffeurs répondent aux ordres d'algorithmes qui sont managers pour se placer dans telle ou telle zone parce qu'il y a plus de personnes, ou pour travailler sur telle ou telle plage horaire parce que Uber manque de chauffeurs à telle ou telle plage horaire. Donc à terme, les algorithmes, on peut dire, vont analyser les données de production, de vente et de productivité pour prendre des décisions ou pour aider à la prise de décisions qui, donc ces décisions auront un impact direct sur les travailleurs de l'organisation. Donc ces nouvelles pratiques managériales, on peut appeler ça comme ça, qui posent des questions de productivité et de conditions de travail, évidemment, et qui m'amènera à comparer, on va dire, les bureaucraties traditionnelles et les bureaucraties algorithmiques. Donc les questions éthiques, elles sont évidemment présentes dans les deux pans de la thèse. Par exemple, que fait un ingénieur devant une demande d'un PDG et cette demande, cet ingénieur, il la juge contraire à son éthique? Ou que fait un manager qui se voit invité par un algorithme de prendre une décision qu'il juge dangereuse pour son équipe? Voilà, donc si vous êtes intéressé par la recherche, et puis je fais un petit appel aussi à des entreprises qui veulent m'accueillir pour cette immersion, voilà, n'hésitez pas à me contacter, et puis je vous remercie pour votre écoute. J'ai fini mes 4 minutes de futur de la recherche, et merci pour votre invitation, Eve et Nicolas. Merci beaucoup, Jérémy Poirot. On va vous garder un instant en ligne, si vous voulez bien, parce que j'aimerais que vous interveniez et que vous réagissiez un peu à ce qui va se dire en studio. Merci. Je vais demander une réaction, et puis, non, félicitations pour le point Al Godwin qu'on a beaucoup aimé. Une réaction, Noza Boudjema, je vous voyais approuver aux présentations des travaux de Jérémy Poirot. Alors effectivement, la recherche elle a un rôle très important à jouer, ce dont on n'a pas encore bien appuyé. En fait, l'idée, au-delà de l'auditabilité et du contrôle de la transparence des algorithmes existants, c'est vraiment essentiel d'avoir une formation justement des étudiants à la réutilisation des briques logicielles open source sur les fuites informationnelles, mais surtout, en fait, c'est avoir de nouveaux modèles mathématiques d'apprentissage qui puissent identifier des variables discriminatoires pour réduire leur impact sur les prises de décision. Donc là, c'est vraiment, d'un point de vue recherche, cœur d'IA. C'est-à-dire que, au-delà des algorithmes existants, faire de nouveaux modèles qui incorporent, en fait, ces idées de égalité et équité par construction dans le modèle mathématique lui-même. Chose qui existe très rarement. Frédéric Bardol, un mot. Moi, j'ai juste une crainte, c'est que même si on développe des nouveaux modèles aussi performants qu'ils soient, on va pas réussir à résoudre le cœur du problème, qui est que les plateformes font ça. Enfin, on va parler juste des recommandations de contenu, par exemple, hein, avec un business model basé sur la publicité. Le but, c'est d'avoir l'attention des personnes. Pour avoir cette attention, l'idéal, c'est de proposer un contenu qui fasse rester les gens. Et le problème, c'est que le contenu qui fait rester les gens, c'est des contenus extrémistes, des contenus terroristes, des contenus conspirationnistes, ainsi de suite. Oui, dans le pire des cas, sur YouTube, etc. Quand sur des sites de vente, on a peu de ventes de sacs à main terroristes. Non, je parlais juste des business models. Enfin, quand le business model, c'est de capturer l'attention des personnes et de leur diffuser des contenus. Le problème, c'est que ces contenus vont toujours gagner par rapport aux autres. Donc, à part si on trouve des moyens de changer ce modèle-là. Un algorithme qui recommande un contenu extrême, c'est un algorithme qui fonctionne bien en fait. C'est un algorithme qui fait exactement ce pour quoi il a été conçu, c'est-à-dire faire rester la personne sur la plateforme. Lui, il a rempli son travail en fait. Donc, l'algorithme fonctionne déjà plutôt bien. Je pense qu'il faut élargir les cas d'usage au-delà de ces modèles-là. Par exemple, sur la variabilité des prix, ce qui est autre chose. En fait, quand on va sur des plateformes pour réserver des nuits d'hôtel ou bien des billets d'avion ou de train, là, il ne s'agit pas de l'attention. Là, c'est un autre business model. En fait, et là, on peut se retrouver dans des situations de discrimination. Justement, quand on passe à l'acte d'achat, qu'on fait rentrer des données personnelles, on peut voir des variations de prix qui vont être dépendantes. On ne va pas avoir le même prix pour toutes les personnes. D'accord? Ah oui. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut voir vraiment une vue en fonction un peu plus... En fonction de la localisation géographique, en fonction de... Ça peut être de localisation d'origine, etc. Il y a certains formulaires qui demandent des questions. Quand je rentre mes coordonnées de carte bleue ou sur pour acheter un billet d'avion, je ne donne pas accès à mon origine ethnique, par exemple. Enfin... Sur certains sites de services... Aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que les services ne connaissent pas les frontières. Et donc, on est amené à répondre à des questionnaires qui sont traduits, qui sont faits par des firmes qui ne sont pas spécialement ou particulièrement françaises, d'accord ? Donc on peut se retrouver en train de répondre avec des informations assez intrusive d'un point de vue donc données personnelles. Et là, on peut constater des variations de prix. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, par exemple, la DGCCRF, qui est une autorité de régulation, se pose vraiment la question. Direction générale de la concurrence et des fraudes. Voilà, et qui a envie d'ailleurs de lancer des sujets de recherche pour faire la part des choses, parce que tout n'est pas condamnable. Le lean management, c'est légal. Par contre, faire une variabilité des prix qui est finalement une discrimination sur des raisons non avouées, ça, c'est pas légal. J'aimerais qu'on revienne, là, pour conclure, dans le dernier quart d'heure qui nous reste, sur cette notion de serment. Alors, il y a ce serment d'Hippocrate qu'on évoquait tout à l'heure via Data for Good et Algo Transparency. Il y a un autre serment qui est le serment Oberton-Turing, qui est une autre charte qui propose, en fait, une forme de charte de bonne conduite. Ma première question, c'est ce lien avec Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, c'est le serment donc qui est prêté par les médecins, qui s'engagent, je l'ai sous les yeux, je ne vais pas vous le redire, mais bon, à consacrer sa vie au service de l'humanité, à sauver les vies, à ne pas discriminer en fonction de l'âge, de l'origine ethnique, etc. etc. Est-ce que c'est bien judicieux de mettre au même plan le serment qui est prêté par les médecins, qui ont entre les mains des vies humaines, et aujourd'hui, celui que l'on souhaite faire signer aux data scientists dans le monde numérique, selon vous, Frédéric Bardon? Alors, on a choisi ce nom-là principalement parce que déjà, ça résonnait avec les gens. Quand on parle de serment d'Hippocrate, n'importe qui voit de quoi il s'agit, donc c'est assez facile d'en parler. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que finalement, les gens qui créent ces services de science des données vont toucher énormément de personnes. Donc, ils ont un pouvoir individuel qui est finalement assez grand. Et donc, c'est pour ça qu'on a proposé ce serment qui nous semble important, c'est-à-dire qu'une petite équipe peut toucher un très très grand nombre de personnes. Et c'est pour ça qu'on considère qu'il y a une responsabilité aussi individuelle à avoir. Et c'est pour ça qu'on s'est permis d'emprunter le nom d'Hippocrate. Un mot à ce propos, Jérémy Poirou, un serment d'Hippocrate pour les data scientists, ça vous semble être aujourd'hui une démarche qui va dans le bon sens, en tout cas une forme de responsabilisation des futurs ou des actuels data scientists dans le travail qu'ils peuvent faire vis-à-vis des firmes, comme ça peut être le cas dans vos prochaines travaux, dans vos prochaines affectations? Oui, alors j'aimerais faire le parallèle avec ce qui s'est dit lors d'une conférence que j'ai organisée donc en début de semaine dernière, Ethics by Design, où on parle justement de l'éthique des designers. Donc les designers, le parallèle est assez fort parce que les designers, donc notamment sur les questions d'attention, ils ont un pouvoir qui est assez fort. Pareil, on peut dire exactement la même phrase, c'est quelques designers, par exemple chez Facebook, chez Google, donc c'est pas les data scientists, mais c'est les personnes qui vont mettre en valeur en fait visuellement les contenus pour que ça soit attractif, pour qu'on ait envie de cliquer dessus, pour qu'on ait envie d'acheter des fois. Et puis donc ces personnes, on se demandait aussi, est-ce qu'il faut un serment d'Hippocrate pour cette profession? Et donc la réponse qui était apportée, donc c'était un débat où il y avait oui non, et je pense que je vais refaire la même en fait pour celle des data scientists, c'est que oui, c'est important d'avoir une on va dire quelque chose de peut-être plutôt un manifeste en fait, une charte très qui serait là et qu'on pourrait se référer, ça serait une éthique en fait commune plutôt qu'une éthique personnelle. Et après, il y a aussi le pendant un peu contre où je rejoins un peu plus, on va dire, c'est que en l'état, c'est pas prêt, c'est pas pour tout de suite, parce que avoir un serment d'Hippocrate, ça veut aussi dire avoir des barrières à l'entrée d'un métier, par exemple. Donc c'est-à-dire que le métier de data scientist, tout le monde ne pourra pas se dire data scientist, ça sera une étiquette, ça sera voilà, il faudra passer par exemple des concours, il y en a qui ne seront pas, et donc c'est toute une réflexion en fait, c'est toute une nouvelle façon d'appréhender la data science ou d'appréhender le design, d'avoir en fait des personnes qui suivent tout un processus et qui après sont, on va dire, estampillées designer ou data scientist et qui respectent une certaine charte. Nous à bout de main sur ce. Oui, je pense que effectivement, ça part d'une très bonne, c'est une très bonne action, une très bonne intention aussi pour sensibiliser les individus. Mais très clairement, c'est insuffisant. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'engagement des entreprises. Enfin, c'est de la réalité et avoir des efforts en parallèle. Parce que très clairement, un employé d'une entreprise peut être convaincu, mais c'est, je dirais, c'est l'entreprise et c'est la responsabilité de l'entreprise qui est engagée, pas sa responsabilité personnelle. Mais ceci dit, c'est important d'avoir cette sensibilisation individuelle, mais il ne faut pas s'arrêter là. Donc, l'effort qui est en train d'être fait dans énormément d'endroits au niveau international, c'est d'impliquer, vraiment d'impliquer les industriels de tout horizon, parce que maintenant, ils comprennent que la question de la confiance, c'est une question là où ils peuvent perdre du marché, en fait, et que la confiance est un élément de compétitivité. Et du coup, ça génère une adhésion à ces questions d'IA responsable et ces questions de responsabilité. Donc, il faudrait pouvoir joindre les deux bouts et pas seulement focaliser sur juste un aspect, mais il faudrait aussi les deux bouts de la chaîne. Frédéric Bardol, cette question-là, effectivement, de faire reposer le serment d'Hippocrate sur les individus en formation, c'est-à-dire sur les data scientists, plutôt qu'une sorte de charte de bonne conduite au niveau international, au niveau, pourquoi pas, européen pour commencer, puis ensuite avec la volonté de l'élargir, parce que la question qui se pose entre les individus qui vont être à un moment donné pris dans une chaîne de production et effectivement le poids que peuvent faire peser les responsables de cette chaîne de production, donc l'entreprise, le poids est assez écrasant, je veux dire, on ne lutte pas à armes égales. Alors effectivement, nous, on n'a pas fait ce projet pour dire le fait de le faire en entreprise, ça ne sert à rien. C'était un premier pas, c'était pour agir rapidement en fait, proposer quelque chose rapidement aux personnes, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin, et du coup on va notamment le proposer dans les écoles et dans les entreprises. Après, il faut voir que certaines entreprises, notamment américaines comme Google, ont fait des serments d'éthique pour l'IA. Se dit, bah non, on refuse de travailler, par exemple, sur certains projets militaires, on refuse de faire ça. Récemment, et ça engage... Parce qu'ils ont compris l'importance de la confiance. Ça engage que ceux qui y croient. Et je pense que là où je vous rejoins sur l'importance de la confiance, c'est que je suis persuadé qu'en Europe, la carte qu'on a jouée sur le numérique et notre caractère distinctif par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine, ça va être justement sur ça, sur créer des entreprises qui utilisent l'IA, mais de manière éthique. Et un exemple très concret pour ça, c'est Snips. C'est une entreprise qui fait un assistant vocal dans lequel il n'y a aucune donnée qui est envoyée sur Internet. Les données restent chez vous, c'est pas comme si vous avez un micro qui enregistre en permanence tout ce que vous dites chez vous. Donc voilà, je pense que on peut faire la différence avec ce genre d'entreprise et l'éthique n'est pas incompatible avec le commerce qui fonctionne. Effectivement, je rajoute tout ce qui est Personal Information Management System, c'est tout ce qui est modèle de protection des données personnelles de manière distribuée qui ne quitte pas votre ordinateur. Et donc, il y a énormément de choses qui restent à faire, mais je voulais quand même mentionner qu'au niveau de la Commission européenne, il y a un High Level Expert Group. Un groupe de haute expertise, de haut niveau d'expertise. En IA, qui est constitué par la Commission européenne, pour pouvoir apporter donc des recommandations à la fois éthiques, mais aussi de régulation et également d'investissement en recherche et développement. Et la pièce maîtresse, c'est comment faire de l'IA la plaque tournante d'une IA nouvelle et différente de ce qui est proposé dans le reste du monde. Et l'éthique et la responsabilité de l'IA en fait une pièce maîtresse. J'ai une question peut-être de très naïve ou de béotien. Jérémy Poirot, je vais vous la poser en premier lieu. Est-ce qu'aujourd'hui, ces questionnements éthiques qui sont les nôtres autour de cette table, qui sont manifestement partagés par un certain nombre d'acteurs européens, ils ont un sens au niveau international, notamment avec votre regard, quand on commence une carrière dans ce métier-là, on sait qu'il y a d'autres pays avec des pratiques qui sont plus dans l'incrémentation en puissance plutôt que dans la limitation et éthique, pour le résumer à grands traits. Oui, c'est disons que la question de l'éthique et du business, elle est clairement pas nouvelle. Et donc en Europe, on a on peut dire une longueur d'avance là-dessus. Et je pense que la réponse simple, c'est très clairement dans d'autres pays. Et on pense très facilement aux États-Unis. Il y a pas cette notion, il y a pas cette culture. Ou à l'Asie, oui, on pensait plutôt à la Chine ici personnellement. On avait plutôt la Chine en tête en fait, mais pourquoi pas les États-Unis? Encore mieux, parce que comme ça vous pourriez faire un tour du monde ensuite sur la Chine. Non, je pense que déjà sur une question d'éthique avec les États-Unis, on est vraiment différent. On n'a pas cette même approche de l'implémentation de l'éthique dans le numérique en fait, du code, de développer et de programmer directement en dur l'éthique dans les programmes et d'avoir plutôt cette notion de business. On le voit avec le RGPD par exemple. Je pense que c'est une première chose, un écho en fait, qui est pas tout à fait sur le même pan, mais en privacy by design, on voit que l'Europe est en avance et que et toute cette réflexion, elle est aussi voilà en avance par rapport aux États-Unis. Donc je vous laisse le côté Chine. On va voir, pas forcément le côté Chine, mais le côté international. C'est une bonne chose, évidemment, que l'Europe soit en avance sur les questions éthiques, mais est-ce que c'est pas aussi un frein au développement stricto sensu technologique, Frédéric Bardol? Alors, c'est peut-être un frein dans un premier temps, effectivement. Tant qu'on était techno-optimiste et que tout se passait bien, bah effectivement, c'était embêtant de se poser des questions sur la privacy. Mais maintenant, quand on voit toutes les fuites de données, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait une fuite de données chez un GAFA et ainsi de suite. Donc, récemment, commence... 50 millions de comptes piratés chez Facebook. Ouais. Voilà, et la même semaine, Facebook sort une espèce de caméra qu'on met chez soi, et ce qu'ils appellent le privacy by design, c'est une espèce de petit cache en plastique qu'on met pour cacher la caméra. Donc pour eux, c'est ça la privacy, quoi. Donc, effectivement, peut-être que... À un moment donné, ça a pu être un frein, mais sur le long terme, on sera, à mon avis, clairement les gagnants sur ce jeu-là. Je crois que... Un dernier mot de conclusion. Oui, effectivement, ça c'est très important. Et en tout cas, l'Europe et la Commission européenne, ils ont compris. On a été hier en Finlande en réunion avec la Commission européenne et avec les représentants des différents États membres sur le numérique et l'IA. Très clairement, c'est identifié. Maintenant, il y a des acteurs américains qui ont compris que pour avoir du marché sur le terrain européen, il va falloir qu'ils soient conformes justement à ces règles à la fois éthiques et de responsabilité d'IA. Merci beaucoup, merci, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois, merci Nezabou Djemma, merci Frédéric Bardol, merci Jérémy Poirou qui était avec nous en direct au téléphone depuis Berlin. Merci à tous d'être venus participer et discuter autour de ces questions d'éthique numérique à ce micro. Je vous rappelle que comme tous les mercredis, eh bien, c'est le jour de la sortie des idées claires en podcast mais également en vidéo sur vos réseaux sociaux favoris, une petite vidéo qui s'attaque aux idées reçues, aux idées complotistes, aux distorsions de l'information. Aujourd'hui, la question que nous posons dans les idées claires, et vous pouvez aller voir ça sur le Facebook notamment, ou le Twitter de France Culture et de France Info, puisque c'est en partenariat entre les deux chaînes. La question que nous posons, qui est une question que vous allez voir assez simple, assez fraîche, qui ne répond pas, qui ne demande pas énormément de commentaires ou de réflexions: existe-t-il un racisme anti-blanc? Les commentaires sont assez croquignolets. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. C'était aujourd'hui Alice Seyed à la technique. Dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, nous parlerons des revues payantes à comité de lecture, des revues de plus en plus contestées, de plus en plus piratées, de plus en plus dénoncées, et si l'heure était à l'open access. On en parle demain de cette recherche en accès libre à 16h, jusqu'à preuve du contraire.